Chers auditeurs, bonjour. Vincent, micro de RFM, vous allez vivre l'heure la plus sombre. Chers auditeurs, pour cette 63e émission, nous avons le plaisir de recevoir Marion Cigaud. Marion, bonjour à vous. Bonjour. Marion, on ne vous présente plus. Vous êtes historienne, écrivain. Vous avez écrit de nombreux ouvrages, dont la majorité sont disponibles sur le site contreculture.com. Je citerai à titre d'exemple les manuels d'histoire de Marion Cigaud, Voltaire, une imposture au service des puissants, La Marche Rouge, les enfants perdus de l'hôpital général, et dernièrement, puisque c'est votre thème de réflexion actuellement, mais qui traverse en réalité toutes vos recherches, nous y reviendrons, un livre sort aux éditions Contreculture, Kinsey, la face obscure de la révolution sexuelle, écrit par l'américaine Judith Reisman et préfacé par vous. Sortie concomitante d'ailleurs, un nouvel ouvrage écrit par vous cette fois-ci, Les droits sexuels ou la destruction programmée de l'enfance et de la famille, publié par les éditions Sigest. Pourquoi Sigest d'ailleurs, Marion ? Parce que c'est une commande. C'est une commande. Les éditions Sigest m'ont demandé, par l'intermédiaire de Jean-Michel Vernochet, si je voulais bien faire une suite écrite à la vidéo que j'ai faite pour dénoncer les droits sexuels. C'est une vidéo que j'ai faite au mois de septembre. Et Jean-Michel Vernochet a vu voyant le succès de cette vidéo et comprenant bien évidemment l'importance du sujet, m'a demandé si j'étais d'accord pour les éditions Sigest de faire un petit livre. Donc le voilà. Voici, on me demande un livre et hop, je le fais. Parfait, c'est donc de droit sexuel et de tout ce que cette expression suppose dont nous allons parler aujourd'hui, chers auditeurs. Mais avant cela, laissez-moi vous dire que, comme d'habitude, mon co-animateur Xavier est à mes côtés. Xavier, bonjour à toi. Bonjour. Marion, tout d'abord, nous en avons déjà brièvement parlé dans un court entretien, mais avez-vous des nouvelles concernant votre agression par ces antifas ? Je n'ai pas de nouvelles. J'espère en avoir à un moment ou à un autre, puisque j'ai déposé une plainte en bonne et due forme. J'ai eu la velléité, à un moment donné, d'envoyer une deuxième lettre ouverte au rédacteur de La Dépêche du Midi, qui a fait en deuxième article un article encore plus ridicule et inexact que le premier. Tout ce qu'il dit est faux et non avenu. Donc j'ai eu un peu la velléité de lui répondre. Et je crois que je serais mieux inspirée de prendre mon temps et de rédiger un droit de réponse à essayer de faire publier dans le journal, mais je n'y crois pas beaucoup. J'ai déjà essayé une fois de rétablir mon honneur bafoué dans l'Union républicaine, ça n'a rien donné. Heureusement, on a la page égalité-réconciliation. Donc, pour l'instant, j'ai beaucoup de travail, je n'ai pas encore trouvé le temps de rédiger un éventuel droit de réponse, mais je vais de toute façon, à un moment donné, avoir des nouvelles de la justice, puisque j'ai déposé une plainte. Donc, à un moment donné, je vais être informé de la suite éventuellement donnée ou pas donnée à cette plainte. Voilà. Donc, je vous tiendrai au courant. Précisons que La Dépêche du Midi est propriété d'un ministre du gouvernement. Ah, je ne savais pas. Comment s'appelle-t-il ? Oui, Jean-Michel Baylet. Membre du gouvernement. Ah, très très bien. Eh bien voilà. Ah ben, je peux donner un petit... Je ne résiste pas. Il y a une photo sur ce deuxième article faisant référence à la conférence que j'ai donnée dans l'église à Verfeil le samedi dernier. Et cette photo explique qu'on voit sur la photo l'abbé Coulon qui décroche le calicot et que la police le sécurise en attendant que j'arrive. Bon, alors quand on ne sait pas, on se tait, je veux dire. Sur la photo, on me voit. Alors, on me voit de dos. L'abbé Coulon décroche la partie gauche du calicot et sur la partie droite du calicot, il y a un monsieur à côté de qui je suis. Et la photo aurait été prise 15 secondes après. On m'aurait vu, moi, décrocher le calicot. Donc, les gendarmes n'étaient pas là en attendant que j'arrive. Ils étaient là parce qu'ils m'avaient accompagné. Donc, cette photo prouve que le journaliste qui a signé l'article n'y était pas et qu'il prend pour argent comptant des informations qui n'en sont pas. Voilà, donc je rectifie cette petite chose-là qui est absolument sans importance, sauf pour montrer que l'information, c'est pas ce qu'on lit dans La Dépêche du Midi. En tout cas, pas ce jour-là et pas cet article-là. Entre autres, il y a beaucoup d'autres choses qu'il faudrait revoir. Mais Marion Cigaud, vous êtes inarrêtable. C'est-à-dire ? C'est-à-dire que toutes ces intimidations ne vous arrêteront pas. Bon non, vous savez, ça fait là. Non, je vois pas. Non, je risque beaucoup plus de prendre un très très mauvais coup un jour et qu'on appelle ça une peau de banane ou une banne perdue que de m'arrêter, ça. Vous savez, ça fait quand même plus de 30 ans que je me bats, je vais pas m'arrêter maintenant parce que trois antifemmes font des grimaces. Non, je vois pas. Maintenant... Alors, Marion Sigaud, en parlant de ce combat, justement, c'est vous qui êtes à l'initiative de la sortie de ce livre, Kinsey, la face obscure de la révolution sexuelle. Comment avez-vous rencontré Judith Reisman et pourquoi avoir voulu promouvoir son livre en France ? J'ai découvert Judith Reisman en m'intéressant, ça fait quand même longtemps que je m'intéresse à ces problèmes de pédocriminalité. J'ai vu un jour, c'est par l'intermédiaire d'Égalité-Réconciliation, un magnifique reportage signé de Tim Tate qui s'appelait Kinsey's Pedophile, dans lequel, dans ce reportage, on voit Judith Reisman sur un plateau de télévision brandissant le poing en direction d'un ancien collaborateur de Kinsey et en lui disant « Savez-vous ce que m'a dit votre collaborateur ? Il m'a dit qu'on avait stimulé les enfants de façon manuelle et orale pour obtenir des orgasmes. » Et j'ai dit « Mais alors, qu'est-ce que cette dame raconte ? Première stupéfaction. Deuxième stupéfaction, mais qui sait ? Mais elle est formidable. Elle est vraiment formidable. Donc, j'ai été particulièrement bouleversée par le visionnage de cette vidéo. Parce que vraiment, j'ai compris que l'horreur que j'ai perçue il y a plus de 20 ans maintenant, en devinant ce que c'était que les réseaux pédocriminels, que cette horreur était encore au-delà de ce que je pouvais percevoir, je me suis rendu compte dans le même temps que des gens luttaient vraiment contre cette horreur et que cette Judith Reisman faisait partie de ces gens courageux qui ont dévoué leur vie à cette dénonciation. Et alors je vais vous raconter un truc qui est quand même très très sympa. Il existe à l'heure actuelle un système assez bien fichu qui s'appelle Internet. Et quand vous êtes en France, que vous voyez une dame à la télévision brandir le poing et que vous vous dites « Tiens, j'aimerais bien rencontrer cette dame », eh bien vous tapotez son nom sur Internet, vous tombez sur un site, en bas du site, il y a contact, je lui ai écrit, elle m'a répondu. Et ça a commencé comme ça. Voilà. Alors, rappelons à nos auditeurs, malgré tout, que vous avez commencé vos recherches par cette question de la pédocriminalité, puisque ça rejoint vos thèmes de recherche en histoire. Absolument, absolument. Oui. Au XVIIIe siècle, oui. Et notamment la question de la marche rouge, ces enfants trouvés de l'hôpital général. À l'origine, ce que je cherchais, c'était la raison pour laquelle Damien, qui a attaqué le roi en 1757, pourquoi il avait attaqué le roi, pourquoi il y avait tant de mystères sur son procès, sur le jugement qu'il a condamné. Et je percevais qu'il pouvait y avoir une raison, ça pouvait être lié au fait qu'on mettait des petites filles dans le lit du roi. C'est du moins ce qui se disait. À partir du moment où ça se disait, il pouvait l'avoir entendu, donc ça pouvait être une raison. Donc c'est en cherchant la vérité sur Damien que je suis tombée sur les enfants de l'hôpital général. Et après, j'ai tiré sur la corde et puis tout le pull-over est dégringolé. Donc, à l'origine, une intuition, après vérification, puis après, c'est ça qui a justifié que je reprenne mes études d'histoire. Donc c'est un combat que je mène depuis maintenant bientôt une vingtaine d'années. Ça fait pas 20 ans que j'ai eu mes diplômes, mais ça fait bien 20 ans que j'ai commencé à chercher, à fouiller et à vouloir la vérité sur ce que c'est que ces horreurs. Comment est-il possible, et c'est possible, que des gens que nous croyons être nos dirigeants, les gens qui nous protègent, qui sont nos élites, enfin qui sont censés être nos élites, jouent contre nous et contre nos enfants. Ça m'a semblé épouvantable et j'ai mené l'enquête et voilà. Et Judith Reisman a mené l'enquête de son côté. C'est ça, mais donc voilà. Là, on se projette au XXIe siècle et c'est cette anecdote dont vous parlez dans votre excellente préface du livre de Judith Reisman, de cet Irakien qui vient en Europe et qui viole un enfant dans une piscine. À côté de Vienne. À côté oui. de Vienne. En Autriche. Et là, vous posez cette question, et c'est la question centrale du livre de Judith Reisman, c'est qu'est-ce qu'il y a dans la tête de cet homme qui ait pu lui faire croire qu'il avait le droit de s'approprier le corps de cet enfant ? Absolument. Et ce qui est absolument terrible, c'est que pendant très très longtemps, jusqu'à récemment, les pédocriminels étaient des gens qui, en réseau, se trouvaient des justifications de s'en prendre aux enfants. À l'heure actuelle, on est passé à la vitesse supérieure. On est en train de considérer, et c'est pour ça que le planning familial international a publié cette charte absolument épouvantable qui s'appelle la charte des droits sexuels. On est en train de faire admettre qu'on a des droits sexuels à tous âges et en toute direction. C'est-à-dire que ce qu'on est en train de faire admettre, c'est que sous réserve qu'il n'y aura pas de violence, parce que ça ne mange pas de pain de commencer par là, sous réserve qu'il n'y aura pas de violence, tout le monde peut coucher avec tout le monde. C'est-à-dire que là, c'est d'une part la désacralisation de la sexualité humaine. La sexualité humaine relève du sacré. La sexualité humaine, c'est... Il n'y a pas de civilisation sans interdit sexuel. C'est comme ça depuis que le monde est monde, ou plutôt depuis que la civilisation existe. Et là, on est en train de faire voler en éclats ce principe qui permet aux hommes de vivre avec les hommes pour dire on a des droits sexuels, jouir est un droit et il n'y a pas d'âge, il n'y a pas de limite d'âge. Ce que disent les droits sexuels de façon extrêmement hypocrite, c'est on tiendra compte de la capacité évolutive de l'enfant. C'est une façon de ne pas vouloir dire on tiendra compte de l'âge de l'enfant, parce que capacité évolutive, je ne sais pas ce que ça veut dire, c'est une invention. Et on tiendra compte de l'âge de l'enfant, il n'est pas dit quand, il n'est pas dit combien, il n'est pas dit qui tiendra compte, il n'est absolument pas précisé de quelles seront les limites. Et en fait, quand on regarde les différents textes qui émanent des différentes agences des Nations Unies, que ce soit l'Organisation mondiale de la santé, que ce soit l'UNESCO, que ce soit les grandes agences comme ça, il est question de sexualiser les enfants dès le berceau. L'éducation sexuelle telle qu'elle est promue et telle qu'elle s'avance maintenant à l'échelle de la planète, ça va être à partir du berceau. Comment peut-on soupçonner, comment peut-on imaginer qu'on puisse donner une éducation sexuelle à des enfants au berceau ? Et c'est là que nous allons retrouver l'excellent travail de Judith Reisman. Judith Reisman a découvert, en lisant, comme beaucoup d'autres gens, le rapport d'Alfred Kinsey publié à la fin des années 40, elle a lu quelque chose que tout le monde avait lu, mais que, sur lequel personne ne s'était arrêté. Kinsey prétend que les enfants sont sexuels, pas sexués évidemment, sexuels dès la naissance, et qu'ils sont au berceau, à peine sortis du ventre de leur mère, capables d'éprouver de la jouissance de type sexuel, c'est-à-dire des orgasmes génitaux. Et Judith Reisman a découvert que pour faire cette assertion, qui a une coloration scientifique, hein, Kinsey est présenté comme un chercheur, comme un scientifique, pour faire cette assertion, il a violé, pas forcément lui tout seul, mais enfin il s'est entouré de gens qui avaient violé, manipulé, torturé des centaines et des centaines d'enfants, dont les hurlements, les convulsions et les évanouissements ont été relevés comme autant d'orgasmes. On a affaire au mal absolu. Des centaines de milliers de personnes de par le monde, peut-être des millions, mais je pense qu'il y a plus de gens qui ont acheté le rapport Kinsey que de gens qui l'ont lu. Vraisemblablement, on achète un livre à la mode, on ne regarde pas forcément ce qu'il y a dedans. Mais il y a certainement des centaines de milliers ou des dizaines de milliers de gens qui ont lu le rapport Kinsey et qui n'ont pas vu ce qui saute aux yeux quand on regarde ce fameux tableau numéro 34 qui est au cœur de la recherche de Judith Reisman. On a appelé orgasme des hurlements de douleur et de terreur de nourrissons ou de petits-enfants entre 0 et 6-7 ans qu'on a violé, qu'on a manipulé. C'est absolument épouvantable. Et Judith Reisman s'est brusquement rendue compte un jour qu'elle venait de tomber sur une vérité qui était tellement en pleine lumière que personne ne la voyait. C'est la vérité la mieux cachée du monde, celle qui est en pleine lumière. Et ce Kinsey, qui est-il ? Alors, je voudrais terminer sur cette découverte de Judith Reisman pour revenir à la sexualité des enfants dès le plus jeune âge. J'ai regardé dans les différents documents, et c'est ce qui fait le sujet de mon livre sur les droits sexuels, dans les différents documents qui justifient l'éducation sexuelle dès le premier âge, c'est Kinsey qui sert de référence. C'est-à-dire qu'on va justifier qu'on va apprendre, par exemple, aux tout-petits-enfants, on va leur apprendre le plaisir de leur corps. Excusez-moi, mais un enfant qui n'est pas encore verbalisé, comment vous allez lui apprendre le plaisir de leur corps ? Vous allez le manipuler, vous allez le masturber. Qu'est-ce que c'est que cette horreur ? Et la justification, c'est les enfants sont sexuels dès la naissance. Et ça, c'est du Kinsey. Ça, c'est du Kinsey. Et ça, c'est le travail qu'a fait Judith Reisman de dire le mensonge à partir duquel tourne tout ce qui concerne la sexualisation des enfants, c'est un mensonge qui part de Kinsey. Et Kinsey, alors qui était-il ? Il a été présenté comme un scientifique. Alors, scientifique, il était, mais pas scientifique de la sexualité humaine. Il était scientifique des guêpes. C'était un spécialiste des guêpes. C'était probablement un bon spécialiste au demeurant. Il avait une chaire à l'université de l'Indiana. Et par tout un tas de réseaux, peut-être un petit peu compliqués à mettre à jour, il s'est trouvé chargé de faire de la recherche sur la sexualité humaine. Et c'est absolument une horreur. Kinsey a été présenté comme ayant fait des recherches scientifiques, c'est-à-dire pour, qu'est-ce que c'est la recherche scientifique ? C'est la recherche de la vérité et la recherche d'une, de données fiables, alors qu'en fait, il organisait des orgies, des partous, enfin c'est absolument, c'est hallucinant. C'est hallucinant le mode de recrutement de ces chercheurs, les, la façon dont ils ont truqué les résultats. C'est une horreur. Et on présente ce qu'il ne sait comme un scientifique. Et c'est le... Je pense que de présenter un grand pervers comme un scientifique, moi j'ai déjà vu ça dans mes recherches historiques. Hein. Je me souviens quand j'ai commencé à découvrir ce que c'était que la science économique et la physiocratie, hein, qui a justifié qu'on remette en question la police des grains à l'époque de Louis XV, qu'est-ce qu'on a fait ? On a présenté des gens qui ont dit « nous, nous avons une démarche scientifique. On va vous montrer que l'économie est une science. » Et j'ai relevé une des aberrations de cette pseudo-science, parce que c'était pas du tout une science, c'était une politique, hein, c'était tout à fait une politique, la physiocratie. Turgot disait, il faisait toute une explication pour montrer qu'il fallait absolument libérer le prix des grains, supprimer la police et faire en sorte que le prix du grain se fixe par lui-même de façon naturelle. Et il disait, les salaires se fixeront nécessairement sur le prix du pain. Et ça, c'était scientifique et il fallait le gober. Les gens de l'époque qui étaient beaucoup moins crétins qu'on ne peut le soupçonner, ils ont dit non, les salaires ne se fixeront pas nécessairement. Il n'y a pas de nécessité pour un employeur de monter le salaire de son ouvrier sous prétexte que le prix du pain a augmenté. Et c'est ces gens raisonnant simplement qui avaient raison, les salaires n'ont pas augmenté, la misère s'est abattue sur le monde ouvrier, les prix du blé ont augmenté et les salaires ne se sont pas, n'ont pas suivi. Pourquoi je raconte ça ? Parce que l'argument de Turgot était un argument pseudo. Scientifique. Voilà, on a inventé une nouvelle science qui était l'économie pour justifier de supprimer toutes les protections que le roi mettait pour empêcher les marchands et les voleurs de s'enrichir sur le pain du peuple. Donc, c'est pas la première fois. L'affaire de Kinsey, moi, c'est la deuxième fois que je note cette entourloupe, cette escroquerie. On va recouvrir du vocable de science quelque chose qui est purement idéologique. C'est au-delà de malfaisant. Pour ce qui concerne les enfants, c'est satanique. Pour ce qui concerne les enfants, c'est satanique. Et on va se cacher derrière la science. Donc, remettons la science à sa place. Il n'y a pas de science qui s'appelle la sexologie. Tout ce qui est sexologie relève de fantasmes, de manipulations et de tout tourne autour de Kinsey. Tout tourne autour de Kinsey. L'Institut Kinsey est accrédité à l'ONU. Tout le monde se réfère à lui et il n'y a jamais, jamais eu moyen de faire une commission d'enquête pour voir ce qu'il y avait derrière. Il y a eu des tentatives, encore de son vivant ou peu après sa mort. Toutes ont capoté par des pressions absolument énormes, gigantesques, des menaces. Et, même Judith Reisman, à un moment donné, avait reçu une bourse pour pouvoir mener une enquête sur la pornographie, dont on parle beaucoup maintenant, parce que c'est vraiment quelque chose qui avance de façon absolument terrible. Et elle avait reçu une bourse de la présidence et on a fini par la retirer. C'est-à-dire qu'il y a des pressions pour empêcher la vérité d'être dite sur ces sujets-là qui sont absolument énormes, énormes, énormes, énormes. C'est absolument gigantesque. Maintenant, Judith Reisman, qui a à présent 80 ans, je crois, elle est toujours en pleine forme, elle est toujours là. Elle est venue nous voir à Paris dernièrement. Oui, oui, elle est venue. La vidéo est disponible sur le site d'Égalité et Réconciliation. Elle est absolument merveilleuse, où elle a été invitée par l'association Terre et Famille. Et comme elle a publié chez Contre-Culture, ça a été une belle rencontre. Hein. Elle est venue rencontrer Alain Soral. Je lui ai dit que c'était le diable en personne. Elle a dit, je veux voir ça. Alors, j'ai une question faussement naïve. Le rapport qui c'est également, à mon avis, enfin je suppose, à la base des révolutions libertaires des années 60-70. Absolument, ça fait partie. Moi, je me rends compte qu'il y avait autre chose avant. Par exemple, j'ai découvert récemment Margaret Sanger, qui est encore 30 ans avant, c'est-à-dire les années 20. Margaret Sanger, c'est une féministe eugéniste. Derrière tout ça, il y a l'eugénisme, hein, il faut comprendre. Et l'eugénisme, c'est quand même une idéologie qui croise non seulement le nouvel ordre mondial, mais c'est une idéologie qui croise le nazisme, puisque les nazis étaient eugénistes et il y a eu des expériences, on le sait, absolument terrifiantes qui ont été faites par un monsieur qui s'appelait Müller, qui une fois qu'il a été obligé de quitter Berlin, non pas parce que Hitler voulait plus de lui, mais parce que ses sponsors ne voulaient plus, ses sponsors de chez Guggenheim ne voulaient plus le sponsoriser. Et là, il est allé continuer ses recherches eugénistes chez Staline. Et une fois qu'il a eu terminé de faire ses recherches eugénistes chez Staline, mais je parle d'eugénisme, c'est-à-dire de sélection, d'élimination des faibles, etc. C'est-à-dire d'éliminer les handicapés, les handicapés moteurs ou les handicapés sociaux. Il y avait également des programmes comme ça. Eh bien, il a été rapatrié en Amérique et il a rejoint Kinsey. C'est intéressant. Hein. Ça fait quand même des bonnes références. Hein. Et c'est ça qui dirige la révolution sexuelle mondiale. C'est ça qui dirige le mariage pour tous. C'est ça qui dirige le droit à l'avortement. Toutes ces pseudo-avancées qui sont en fait des régressions abominables sont... teinté de cette idéologie eugéniste à la fois libertaire mais d'une cruauté insensée. Quoi. Avec l'hypocrisie de l'acquisition sans cesse de nouveaux droits. Alors on appelle ça des nouveaux droits, les droits sexuels c'est n'importe quoi, je vais dire. En plus, il faut quand même savoir que, comme disait Lacordaire, entre le riche et le pauvre, c'est l'interdit, c'est la loi qui protège et c'est la liberté qui opprime. Hein. Donc donner des droits, des droits, des droits, des droits, d'abord on n'a pas à donner des droits, les droits c'est le droit. Le droit c'est quels sont les interdits, quelles sont les règles. On supprime le droit pour le remplacer par les droits. Sachant surtout que la sexualité est un rapport d'interaction avec quelqu'un d'autre. Et donc, si on admet qu'on a un droit sexuel, c'est qu'on a un droit sur quelqu'un d'autre. Mais c'est absolument ça. C'est absolument ça. Et si c'est pour dire qu'on a des droits sexuels à la condition que si, que si, que si, que si, que là, bon, bah, laissons tomber. Je veux dire, la morale publique est suffisante pour ça. Alors, ouais. Marion Sigaud, je me mets à la place de l'auditeur qui atterrirait sur Égalité et Réconciliation et qui commencerait sa prise de conscience par cette émission. Les intentions des élites dont vous parlez sont absolument terrifiantes. Ah ben, on va sexualiser les enfants. Et qu'est-ce qui justifie de telles intentions? Pourquoi? Je pense que c'est c'est l'esclavagisation de la population. Est-ce que tout le monde sait ce que c'est que le livre d'Aldous Huxley, Le meilleur des mondes? C'est quoi? C'est une société dans laquelle les gens sont séparés en catégories. Et la catégorie la plus... enfin, j'espère que je ne dis pas de bêtises parce que c'est quand même assez vieux. La catégorie la plus nombreuse, ce sont des gens qui n'ont pas le droit ni la possibilité de s'attacher. On ne fait plus d'enfants, on ne se marie plus, on a des relations sexuelles sans lendemain, à tire-larigot, avec tout le monde et avec n'importe qui. Mais on ne s'attache pas. C'est la négation de l'amour. C'est la négation de l'amour, c'est la négation de la famille, c'est la négation de l'enfance. Tout le monde peut coucher avec tout le monde à la condition de ne pas s'attacher. Et les enfants sont fabriqués en éprouvette. Eh bien, on y est. On y est. La GPA, c'est quoi? C'est, on va fabriquer des enfants. Bon, pour l'instant, on les fabrique dans des ventres loués, mais on peut très bien imaginer des utérus artificiels. Il y a des gens qui se sont penchés sur le sujet. Il y a même des premières expériences, je crois, qui ont été faites. Si je dis une bêtise, je veux bien être reprise. Mais... les enfants ne seront plus faits par les mères. Les mères, elles sont là. Vous savez ce que c'est une mère maintenant? C'est une idiote qui n'a pas pu avorter. Avorte, avorte, avorte, avorte, avorte, avorte, avorte. On avorte, on avorte, on avorte maintenant. C'est devenu une industrie. C'est devenu une priorité nationale. Moi, j'ai découvert ça. L'avortement est devenu au ministère de la Santé une priorité nationale. Je l'ai vu, hein, c'est dans mon livre. Je donne la référence. Alors, on pousse les femmes à avorter, mais par centaines de milliers. Par centaines de milliers par an, rien qu'en France. Et à côté de ça, on fabrique des enfants en éprouvette, c'est le meilleur des mondes. Le but, c'est de quoi? C'est la domination. C'est la domination. Qu'est-ce qui fait l'humanité? Ce qui fait l'humanité, c'est l'attachement, c'est le lien. Une humanité sans lien, c'est plus une humanité. On sera des esclaves, on sera des robots, on sera des machines. Bon, non, hein. Non. Et je veux dire, ils gagneront pas. Hein. Ils gagneront pas, c'est nous qui allons gagner. Ça va pas marcher leur truc, mais ça va pas marcher parce qu'on se lève pour dire non, non. Et le sexe chez les humains, ça relève du sacré, de la reproduction, du couple, de la famille, de l'engagement, de la parole. C'est pas un machin qu'on peut faire. Mais Kinsey était tellement partisan de la sexualité tous azimuts qu'il incluait la zoophilie. Hein. Il incluait la zoophilie, il disait bah oui, pourquoi pas, avec un chien, avec un cheval, avec un âne, bah allez-y. C'est de la folie, quoi. Oublions Kinsey un instant, mais. Je veux bien. Parce que. Non, mais le fait que ces rapports soient devenus des travaux de référence, oui. Qu'ils aient été financés par la Fondation Rockefeller. Tout à fait. qu'il soit aujourd'hui, comme on disait, donc de référence, ouais, montre la puissance d'un lobby pédophile à l'intérieur des élites. Absolument, absolument. C'est vrai que le résultat de tout ça, c'est que quand les enfants ne seront plus protégés, parce que comment fait-on pour donner des droits sexuels à des enfants ? On donne à des enfants le droit de décider pour eux-mêmes s'ils vont avoir des relations sexuelles. Ça n'a pas lieu d'être, puisque la définition de l'enfance, c'est la période de la vie qui précède précisément la sexualisation. Donc ça n'a pas lieu d'être, d'une part. Mais d'autre part, c'est une façon de passer par-dessus l'autorité des parents, de supprimer l'autorité des parents, et d'amener à considérer que des parents qui vont interdire à leurs enfants d'avoir une activité sexuelle seront considérés comme des bourreaux. Donc, en fait, l'avancée des droits sexuels, c'est une suppression de l'autorité parentale, et du moment que l'autorité parentale ou paternelle ou parentale, enfin admettons parentale, est supprimée, il n'y a plus rien pour protéger les enfants. Ce que disent les droits sexuels, c'est qu'on ne pourra pas imposer de sexualité aux enfants par la violence. Eh bien, retirer la violence, qu'est-ce qui reste ? La persuasion, la corruption, la misère, tout le reste. Et en plus de ça, même si un enfant est d'accord, et ça je me permets d'en douter, mais j'ai pas de cas de figure sous les yeux, mais si même si un enfant de 5 ans est d'accord pour coucher avec un barbon de 50, c'est non, c'est tout. Même s'il est d'accord, c'est non parce que c'est un enfant. Donc, où est-ce que ça mène tout ça ? Effectivement, à la mise à disposition des enfants en direction des pédophiles. Voilà. Et ce qui est intéressant, c'est toute la production pseudo-artistique qui a été faite depuis les années 70, avec beaucoup d'ambiguïté sur la sexualité des enfants. Je pense à beaucoup de chanteuses des années 90, comme certaines chansons de Mylène Farmer, Alizée, où on avait beaucoup cette ambiguïté. Et oui, parallèlement, ça a été dénoncé par beaucoup d'artistes comme Kubrick dans Eyes Wide Shut, ou ouais. Même, les yeux grands fermés. Ou même Roman Polanski, qui dans l'affaire n'est pas forcément blanc-blanc dans Rosemary's Baby. Enfin, toute cette question, nous en avons été imprégnés de façon un peu inconsciente, en vérité. C'est vrai que le nouvel ordre mondial avance de façon très, très, très pernicieuse par des images. On commence par envoyer des images, comment appelle-t-on ça, subliminales. On commence par envoyer des messages, des images subliminales, ensuite des messages subliminaux également oralement, et petit à petit, on passe au message explicite. Et là, on en est presque au message explicite. On y est. Quand on a ce plaidoyer pro-pédophile de Thierry Lévy sur le plateau de Tadi, qui parle de la chape de plomb qui tombe de boucle blonde concernant la pédophilie, c'est quand même extraordinaire. Ça, je renvoie les auditeurs vers cette intervention disponible sur YouTube. C'est ahurissant qu'on puisse tenir de tels propos à la télévision française, publiquement. Oui, tout à fait. C'est un aveu. Oui. Bon, moi, je me souviens également très bien d'un passage de Marine Le Pen, hein, quand elle n'était encore que seulement la fille de son père sur un plateau de télévision. Elle a sorti un extrait du livre de Frédéric Mitterrand. Elle l'a lu à l'antenne. Elle a déclenché un raz-de-marée d'indignation. Et je pense qu'elle a certainement contribué, alors là, je m'en souviens très bien, certainement contribué à mettre le doigt sur une réalité qu'on ne c'est pas qu'on l'a caché, puisque Frédéric Mitterrand faisait les plateaux de télévision, c'est qu'on ne la dénonçait pas. Il pouvait arriver en disant moi j'aime bien, ça m'excite de voir des jeunes garçons disponibles. Et elle arrive en disant mais vous avez vu ce que vous avez marqué là, vous avez vu ce que... Je me souviens, c'était très très fort. Donc ils sont de plus en plus explicites, soyons-le de plus en plus aussi. Et Marion Sigaud et l'ONU dans tout ça ? L'ONU, c'est l'agence par laquelle toutes ces horreurs sont diffusées à l'échelle de la planète. Par exemple, les droits sexuels, ça relève de la santé sexuelle, d'accord ? La santé sexuelle, alors c'est scientifique, hein, on a vu, c'est scientifique. Donc, à partir du moment où vous avez des droits sexuels qui relèvent de la santé sexuelle, eh bien, vous allez avoir l'Organisation mondiale de la santé qui va édicter des normes. Voilà. Et l'Organisation mondiale de la santé va édicter ses normes à l'échelle de la planète. Je ne sais pas exactement où sont situés... Bon, on sait qu'il y en a qui sont à Genève, il y en a qui sont à New York. Je ne sais pas exactement où on peut situer tous les fous qui rédigent ces trucs-là, mais c'est rédigé et c'est diffusé à l'échelle mondiale par l'intermédiaire de différentes agences de l'ONU. Alors, vous avez l'UNESCO. L'UNESCO promeut l'éducation sexuelle l'éducation sexuelle à l'école dès le plus jeune âge. Donc ça, c'est pour l'éducation. L'Organisation mondiale de la santé, et encore ceci et encore cela. Je veux dire, l'ONU étant vraiment à la pointe pour la promotion. Et l'ONU se fait le relais de l'IPPF, c'est-à-dire le planning familial international, qui a rédigé la fameuse charte des droits sexuels. Et puis tout ça est masqué par la protection de l'enfance, la promotion de l'enfance. On a vu récemment l'interdiction de la fessée. Bien sûr. Un récent rapport de la Fondation Jean Jaurès qui demande que la majorité soit abaissée à 16 ans. On a le Haut Conseil de la Famille qui vient de mettre en place un conseil des enfants qui peut donner un avis consultatif sur les lois. Donc des enfants de 9 ans c'est peuvent une donner. Horreur, ouais. Donc il y a une promotion de l'enfance parce que il y a aussi une question de la consommation, c'est-à-dire de la pression sur les parents pour que les parents consomment pour les enfants. Donc il y a à la fois l'enfant roi et à la fois qui cache... L'enfant roi, ce sera l'enfant esclave. Parce voilà. que l'enfant roi sera l'enfant esclave. À partir du moment où l'enfant est roi, il est roi quand on lui demande son avis, dès qu'on lui demandera plus, il n'y aura plus personne pour le protéger. C'est exactement comme ça que ça va se passer. L'enfant roi, c'est l'enfant sans parents. Et qui protège l'enfant, si ce n'est le père ? Le père est là pour ça. Donc c'est la fin de l'enfance et de la famille. C'est la fin de l'autorité parentale. Donner des droits aux enfants, c'est totalement criminel. C'est totalement criminel. Il faut protéger les parents, aider les parents à protéger leurs enfants. Alors évidemment, il y a des abus. Mais évidemment qu'il y a des abus. Et alors ? Il y aura plus, ça ne sera plus des abus si on supprime l'autorité parentale. Ça sera l'horreur. Les enfants seront véritablement disponibles pour tous les prédateurs. C'est les droits. Judith Reisman m'a raconté ça récemment. Elle me dit, regarde Marion, regarde ce que c'est que la charte des droits de l'enfant. Le diable est là. Elle a raison. Marion Sigaud, est-ce qu'on ne peut pas ne pas connecter ce sujet de l'enfance, le fait qu'on promeuve l'avortement, qu'on détruise le noyau familial, avec par ailleurs la promotion de l'immigration de masse? Qu'est-ce que vous pourriez dire sur ce sujet? C'est un double mouvement, finalement, c'est une tenaille. Il y a une tenaille, effectivement. D'abord parce qu'il est dit dans la charte des droits sexuels que les migrants ont des droits sexuels. C'est extraordinaire parce que ça a été rédigé en 2008 et les migrants, on les avait arrivés en 2016, hein, en masse. Donc, en 2008, on rédige que les migrants ont des droits sexuels. Et qu'est-ce que ça veut dire que les migrants ont des droits sexuels? On voit arriver des milliers d'hommes sains, adultes, seuls, en pleine santé, et on leur dit, vous avez des droits sexuels. Qu'est-ce que ça veut dire? Et on leur donne des fascicules en Allemagne qu'on a vu circuler sur Internet, où on leur explique les positions qui font plaisir aux blanches européennes. C'est absolument horrible. Et je me suis demandé, j'ai dit, mais qu'est-ce qu'ils espèrent? Est-ce qu'ils leur donnent un droit au viol? Alors, il est bien évident que dans les droits sexuels, on dit, le viol, c'est affreux, c'est vilain, c'est sans violence. Mais alors, si vous avez des droits sexuels... Si vous avez le droit de, si vous avez un droit opposable à jouir, voilà, je suis tout seul, je suis un mâle de 25 ans, j'arrive de chez moi, j'ai des droits sexuels, j'ai des besoins, j'exige. Mais il va y avoir une solution, ça va être la prostitution. Pour satisfaire les droits sexuels de toutes ces populations déplacées, il y a une solution, ça va être la généralisation et la banalisation de la prostitution comme un métier, comme un autre. Et c'est dans les droits sexuels. Il est question à un moment donné des droits des travailleurs du sexe. Qu'est-ce que c'est que les travailleurs du sexe? Ça va être une fille ou même un garçon. Hein, faut pas discriminer. Dans les écoles, vous n'y arrivez pas? Allez, il y a un moyen. Et ça sera la prostitution. Mais c'est la fin de la civilisation. C'est la fin de la civilisation. Oui, mais à ce propos, il y a un vrai paradoxe, puisque la sexualité masculine banale a été largement criminalisée par la fermeture notamment des maisons closes ou ce genre de choses, tandis que les sexualités déviantes ont été sans cesse promues. Oui, enfin, je ne sais pas si c'est, je sais pas si les mises en clause, c'est une bonne chose. Je ne me suis pas vraiment penché sur le sujet. Bah, dites-nous, Marion, parce que qu'est-ce que vous en pensez ? Bon, j'en pense rien parce que le problème ne se pose plus maintenant. Je pense que la prostitution, c'est toujours un malheur, c'est toujours une déchéance, quoi. La prostituée qui est contente, qui fait ce qu'elle veut, moi, j'y crois pas. Moi, je pense que c'est toujours une déchéance. Je pense que la sexualité, c'est certainement ce qui fait le bonheur de l'homme et de la femme, mais à partir de certaines règles. Je pense qu'effectivement, la prostitution, si elle est tolérée, c'est parce qu'elle peut représenter à certains moments un moindre mal. Ça, c'est comme ça. Je crois qu'au Moyen-Âge, l'Église l'a tolérée dans certains... C'est ce qu'on m'a raconté, parce que je ne suis pas spécialiste du Moyen-Âge. Mais l'Église tolérait certaines formes de prostitution dans certaines circonstances parce que c'était un moindre mal. Mais ça ne peut pas être érigé en bien. Ça ne peut pas être érigé en bien, ça ne peut pas être érigé en règle. Et, donc, en même temps, Marion, tous ces sujets convergent vers aussi celui de la misère sexuelle qu'on ne peut pas nier. Mais la misère sexuelle va avec. Qui elle-même est liée au féminisme et au fait que les femmes maintenant sont de plus en plus inaccessibles et que donc les hommes se reportent éventuellement sur la prostitution, mais aussi sur le porno. Absolument, mais là je suis tout à fait d'accord. J'ai lu, là je suis tout à fait d'accord. Mais la misère sexuelle, c'est pas tant la misère sexuelle que la misère affective également. C'est la misère affective, c'est l'horrible solitude des gens. J'ai vu l'information hier, vous avez un agent, je sais pas, de France Télécom ou je sais pas trop quoi, qui fait une intervention dans un domicile et le soir, arrivé chez lui, il envoie un petit message à la jeune femme qu'il a vue en lui disant « Je ne suis plus en service, puis je me permets de vous dire que vous avez un sourire ravissant » un truc comme ça. Elle l'a fait licencier, cette garce. Mais elle, c'est ce que je vous dis, c'est la criminalisation de la sexualité normale. Mais c'est pas de la sexualité normale. De la sexualité normale. Est-ce que c'est de la sexualité de dire à une jeune femme « Vous avez de beaux yeux ». Enfin, je veux dire, c'est pas du sexe, ça. C'est de la... Non, mais... Entendons-nous, c'est une relation affective normale entre hommes et femmes. C'est ça que je veux dire. Le sexe. Il y a quand même pas que le sexe dans la vie. Il y a quand même pas que le sexe dans l'affect. Il y a pas que le sexe dans. En plus, bon, la plupart du temps, on confond le sexe également avec autre chose. Hein, parce que moi, quand j'entends homosexuel, je me dis non, il y a un contresens. Sexuel, c'est forcément mâle et femelle. Sinon, c'est pas du sexe. Donc, je comprends bien que ce qu'on appelle homosexuel, ça existe, mais est-ce que c'est vraiment de la sexualité ? Est-ce que c'est pas autre chose ? Parce que le sexe, c'est mâle et femelle. Si c'est pas mâle et femelle, si c'est pas homme et femme, c'est autre chose. Incidemment, les droits sexuels mettent dans leur premier paragraphe qu'il faut séparer la sexualité de la reproduction et séparer la reproduction de la sexualité. Or, la sexualité est liée à la reproduction. C'est lié à la reproduction. On est mâle et femelle pour se reproduire. Ça ne veut pas dire qu'on va avoir des rapports sexuels que pour se reproduire. On sait très bien que ce n'est pas comme ça que ça se passe. Mais si on veut sortir la reproduction de la sexualité, on sort le sexe de la sexualité également. Le sexe, c'est mâle et femelle. Si c'est autre chose, alors donnons un autre nom. C'est ça que je veux dire. Et je ne m'en prends pas au fait qu'il y ait des gens qui ne soient pas attirés par le sexe opposé. Ils n'y peuvent rien, j'imagine. Et ça, on n'a pas apporté de jugement de valeur sur un ressenti. Mais on joue avec les mots et on déforme la réalité pour finalement en arriver à dire qu'on va séparer la sexualité de la reproduction et la reproduction de la sexualité. Et séparer la reproduction de la sexualité, c'est faire des bébés éprouvettes, c'est l'eugénisme, ça va être c'est le meilleur des mondes. Et le meilleur des mondes, j'ai pas envie d'y vivre. Et est-ce que vous connectez tous ces sujets à la théorie du genre ? D'ailleurs, où en est-elle cette théorie du genre ? À l'école. Je ne sais pas où ça en est, je sais que ça a reculé. Ça a reculé, mais si vous lisez les ABC de l'égalité, si vous lisez le... D'abord, non, c'est même pas la peine d'aller aussi loin, il n'y a qu'à reprendre la charte des droits sexuels. Le genre fait partie, le droit au genre fait partie des droits sexuels. C'est-à-dire que le genre... Et d'ailleurs, l'Institut Kinsey à l'heure actuelle, c'est l'Institut sur la recherche, de recherche sur gna, et le genre. Donc le genre, il est admis pour tous ces dingues qu'on a le droit de choisir si on sera un garçon ou une fille. C'est n'importe quoi. C'est la promotion de ces garçons efféminés ou de ces filles masculinisées, ça me semble complètement aberrant. En plus, c'est non seulement aberrant, mais c'est totalement criminel, parce que je vois qu'il y a des parents qui acceptent, sous prétexte que leurs enfants auraient émis des desiderata de changer de sexe, ils leur font passer des opérations irréversibles qui ne font que changer leur apparence. Personne n'a jamais changé de chromosome. personne n'a jamais changé de chromosome. On est mâle ou femelle par les chromosomes qu'on a reçus au moment de la conception, et ça, ça ne peut pas se changer. Ça ne peut pas se changer. Il y a pas de, on ne change pas de sexe. Par contre, on peut changer d'apparence. Pourquoi faire ? Pour faire plaisir à qui ? Embrouiller les gens, c'est les dominer. Dès que les gens n'ont plus de repères, dès que quelqu'un n'a plus de repères, on peut le manipuler. Mais maintenant, je reviens sur ce que vous disiez. Je suis absolument d'accord pour dire que le discours féministe a complètement rendu fou, ça interdit l'interaction normale entre les hommes et les femmes. C'est plus possible. Si un homme ne peut plus faire un compliment à une femme sans prendre une baffe. Et alors moi, j'ai vu la différence, parce que ça fait quand même un moment que j'habite à la campagne, donc je ne me rends pas en ville aussi souvent que j'étais avant. Il y a un an ou deux, je me suis rendue à une fête chez des amis à l'autre bout de la France. Ils m'ont dit tiens, tu viendras avec un ami à nous. Il peut monter avec toi. Il peut t'emmener en voiture. Donc, c'était un monsieur que je ne connaissais pas. Il m'a laissé trimballer ma valise. Il m'a pas ouvert la portière et tout. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui s'est passé ? Et j'ai compris ce qui s'est passé. Il a peur de prendre un gadin. Il a peur que je l'engueule. Je suis revenue à Paris dans un monde où le féminisme avait fait ses ravages. Mais maintenant, je peux dire, tous les Français sont comme ça. Il reste encore des hommes qui n'ont pas peur, et je ne pense pas il émane de moi une folie de ce type. Je revenais là-dessus parce que en lisant le livre de Judith Reisman, j'ai enfin compris ce que je ressentais depuis longtemps. C'est pourquoi, au moment où il y avait une propagande incroyable dans les écoles sur les enfants battus, SOS enfants maltraités, c'est-à-dire que vous mettez une gifle à votre enfant, on vous envoie les services de l'État, ouais. Alors qu'au même moment, il y avait Lolita qui avait 15 ans qui faisait bander tous les papas sur toutes les télés de France. Exactement. Et ce paradoxe-là, ouais, on le comprend quand on lit Judith Reisman. Exactement, exactement. Ouais, et cette connexion-là, on la comprend en lisant ce livre, et elle est centrale. Exactement. En détruisant l'autorité sur les enfants, on jette les enfants dans le monde abominable de la prédation. J'ai vu un jour un reportage à la télévision, du temps que j'ai regardé la télé, ça commence à chiffrer là, ça fait un nombre d'années. J'ai vu un reportage qui montrait qu'en Suède, des parents ont vu un soir la police débarquer chez eux et enlever leur petite fille parce que dans la cour de récréation, elle avait raconté à une copine que sa mère l'avait menacé de lui donner une claque, et une autre copine l'avait entendu, l'avait répété à la maîtresse, qui l'avait répété à la directrice, qui est allée chercher les gendarmes, et cette petite fille a été arrachée à ses parents. La Suède, c'est ce pays où les hommes doivent pisser assis, c'est ça ? Je sais pas, c'est des dingues. Si, bien sûr. C'est des dingues. Toujours très à la pointe, c'est des dingues. Sur ces sujets-là. En plus de ça, c'est aberrant, parce que plus on met de pseudo-droits, et moins les gens sont... Moins les gens sont naturels. Je veux dire, la France a quand même toujours été le pays de l'amour. C'est pas nouveau. C'est en train de régresser, quoi. À force de dire aux gens qu'ils ont le droit de ceci, ils ont le droit de cela, ils ont tellement le droit qu'ils le font plus, quoi. Et finalement, est-ce qu'on peut pas traduire tout ça comme l'expansion du marché, ben oui, du capital, de l'argent, du fric, dans l'enfance, dans le monde de la sexualité, de l'amour? Oui, ça ressemble à ça, mais je ne vois pas que ça. Alors, Judith Reisman m'a quand même longuement expliqué que le marché de la pornographie, c'est absolument gigantesque. Voilà. Gigantesque. Il y a des sommes absolument énormes. Et Judith est très, très, très au fait de ces choses-là, parce qu'elle y joint Big Pharma pour lutter contre les maladies sexuellement transmissibles. Elle dit, avant la révolution sexuelle, il y avait 2 maladies sexuellement transmissibles. Maintenant, il doit y en avoir 200, quelque chose comme ça, ou 50, enfin bon, ce qui est devenu exponentiel. Donc, elle dit, il y a derrière la libération sexuelle, il y a énormément de bénéfices, notamment pour les bénéfices de la pornographie, les bénéfices de la médecine, les bénéfices de beaucoup de choses. Et puis, il y a les gens vivant de plus en plus seuls, eh bien, vous multipliez le nombre de logements, le nombre de locations. Si vous avez 10 personnes qui vivent sous un même toit avec le père, la mère, le grand-père, la grand-mère et les enfants, en termes de loyer, c'est beaucoup moins important que si vous avez 10 personnes isolées qui vont être obligées chacun de... Donc tout ça, c'est de l'argent, effectivement, mais c'est de l'argent, c'est du malheur, c'est de la solitude, c'est de l'horreur, les gens souffrent de tout ça. Et cette pornographie qui met en avant des comportements sexuels anormaux, comme par exemple, je pense à un sujet, par exemple, l'épilation féminine intégrale, voilà, qui est apparue voilà. depuis qu'Internet existe, en fait, depuis 10-15 ans. Ouais, toutes les filles sont c'est épilées devenu une norme. Intégralement. C'est devenu une norme, absolument. Et absolument. Un marché, une norme, un marché. Ouais, et une soumission finalement de la femme à un désir masculin assez pervers de imberbe. C'est l'enfant. Le sexe épilé, c'est le sexe de la petite fille. C'est un fantasme pédophile, clairement. Dont le porno fait la publicité. Le porno fait la publicité. Alors moi, j'ai vraiment pas de goût à aller regarder ces trucs-là parce que ça me met souvent l'estomac au bord des lèvres. C'est tellement violent, c'est tellement moche, c'est tellement dégueulasse. J'ai vu, quand même, je suis allée regarder, que maintenant, dans le porno, il y a du transgenre. C'est-à-dire, on vend dans le porno une super blonde avec des gros seins qui est membrée et ouais, qui mais se domine. On n'est pas obligé de le regarder, celui-là. Non, mais enfin bon. C'est une erreur, c'est une page qui s'affiche toute seule. Non, non. C'est le message subliminal qui est en train de passer et qui dirige vers la norme, quoi. Qui dirige vers une nouvelle norme. Mais c'est tellement moche, franchement. Moi, je suis la génération Canal+, j'en ai vu des pornos. Franchement, j'en ai pas vu de beau. Hein. Oh, qu'est-ce que c'est moche. Mais attention, Marion, le porno, c'est une drogue, disons-le. Bah, c'est ce qu'elle m'a expliqué, Judy Dreissmann. Moi, je suis pas concernée, mais c'est vrai. Elle dit, c'est effectivement une drogue. Et elle dit, c'est une drogue qui rend les hommes de plus en plus impuissants. C'est-à-dire que c'est la drogue paradoxale. Les garçons disent qu'ils en ont besoin pour conserver leur virilité, alors que c'est qu'avec ça qu'ils la perdent. C'est quand même dramatique. Oui, mais au-delà de la pornographie, ce qui a permis les rapports Kinsey, c'est une légitimation à la pédocriminalité d'élite. Le dernier exemple qu'on a tous vu sur Internet, et heureusement qu'il y a Internet, c'est ce Christophe Bejache que personne ne connaissait, qui a été arrêté à Londres. Le type a été condamné à 117 000 euros d'amende et 9 mois de prison avec sursis. Ça veut dire qu'il n'a même pas pris du ferme, alors qu'il essayait d'attirer 3 fillettes de 8, 10 et 12 ans et d'avoir une relation sexuelle avec l'aîné et de prendre des photos en petite tenue avec les deux autres. Quelle horreur. Alors ce ça s'appelle là, un pervers. Ça. Alors voilà. Alors heureusement qu'il y avait soi-disant la fachosphère, parce que du coup, les médias traditionnels ont été obligés de reprendre cette condamnation qui avait été publiée en Angleterre dans le Daily Mail, parce que la boîte de Pandore sur la pédocriminalité d'élite en Angleterre a été en partie ouverte depuis le scandale du Dolphin il y a 2 ans environ, il me semble, qui avait impliqué à peu près toute l'élite anglaise. Et alors ce type, quand on regarde son CV, parce que ce qui est sorti sur beaucoup de sites, c'est qu'il avait été conseiller d'Arnaud Montebourg. Mais quand on regarde de plus près son CV, on se rend compte qu'il était banquier dans un groupe qui s'appelle Monument Capital Group, donc un cabinet mondial d'investissement dans le secteur de la sécurité et de la surveillance, donc lié à Carlyle Group, donc l'état profond américain aux États-Unis, et qui était lié à la foncière Eurys en France. Donc là, c'est pareil, Jean-Charles Naouri, ancien des cabinets ministériels socialistes, et que ce type-là avait été directeur adjoint de la compagnie financière Saint-Honoré, qui est la holding du groupe Rothschild. Ah ben voilà. Voilà, donc là on est dans l'élite de l'élite et ce type est complètement inconnu. Alors il s'est trouvé qu'à un moment donné, effectivement, il avait été conseiller au cabinet d'Arnaud Montebourg. Oui. Donc la fameuse finance qui n'avait pas de visage et qui s'éclatait à Londres. Et donc ce type-là a été arrêté. Sinon on n'en aurait jamais rien su. Sans Internet, on n'en aurait jamais rien su. Moi je note quand même une chose, c'est que des scandales sexuels qui ont éclaté en Angleterre, ils n'ont pas encore éclaté en France. Alors est-ce que ça veut dire que quand la pédophilie arrive en France, toc, elle se range des voitures et qu'il ne se passe plus rien? Mon œil, il me semble bien évident que la France est vérolée comme tous les pays, en tout cas tous les pays occidentaux, tous ceux que nous connaissons, par le phénomène de la pédocriminalité, et les scandales n'ont jamais éclaté. Donc je ne dis pas qu'ils vont éclater, j'en sais rien, moi j'ai pas de dossier sur les gens. L'ancien ministre de l'éducation Luc Ferry avait essayé d'aborder le sujet un jour sur un plateau télé. Tout le monde lui est tombé dessus en disant... Deux jours après, il y a eu un papier dans le Canard Enchaîné pour expliquer qu'il touchait de l'argent pour donner des cours qu'il ne donnait pas, ce qu'à peu près tout le monde fait. Il y a des comiques à la télévision qui ont fait des sketchs en disant « ta gueule, Ferry, ta gueule ». Enfin, mais c'est invraisemblable. Hein. Je vais d'ailleurs envoyer un petit mot de soutien, je me souviens. Je n'avais pas grand-chose de commun avec lui, sauf que je voulais simplement lui dire merci. Maintenant, il fait monsieur. Le témoin de moralité contre Dieudonné avec Alain Finkielkraut lors des procès. Voilà. C'est racheté. On n'a pas encore en France dénoncé les grands... Il n'y a pas encore eu de scandale pédophile en France. Hein. On en a approché un peu avec les disparus de Lyon. Mais pour l'instant, en France, rien n'a encore explosé. Rien n'a encore explosé. Alors qu'en Angleterre, mon Dieu, oh là là là là. En Angleterre, ça a été des salves. Au Portugal aussi, il y a eu scandale sur scandale. Alors, est-ce que ça a changé quelque chose? J'en sais rien. Je ne sais pas. Peu changé pendant la campagne. Oui, il y a eu quand même des gros scandales. L'affaire du Pizzagate, là, c'est quelque chose qui remue énormément. Mais c'est vrai qu'en France, la chape de plomb reste importante. Alors, ouais. Bon, il y a quelques romans policiers où on voit ça un peu en trame de fond, quelques films, mais il n'y a pas de gros scandales d'actualité, alors qu'on sent bien que la problématique est là, quand même. Bah, c'est un vice d'élite partout. Partout. Moi, je l'ai fait en histoire. J'ai bien vu qu'à partir du moment où ça fonctionnait comme ça au XVIIIe siècle, c'est certainement pas le XVIIIe siècle qui l'a inventé. Ça s'est pas arrêté à la Révolution française, et loin s'en faut. Donc, c'est une constante. C'est une constante qu'on ne pourra arrêter qu'en la dénonçant. Et on ne peut véritablement dénoncer que ce qu'on connaît. Je pense qu'il y a vraiment un phénomène de recherche de la vérité à mettre en mouvement, c'est ça. Il faut promouvoir la recherche de vérité pour déjà aller regarder ce que ces gens nous préparent au regard de la loi. On ne peut pas laisser l'interdiction de la fessée sans... On ne peut pas laisser ça en l'état. On ne peut pas laisser la loi interdire aux parents d'éduquer leurs enfants. L'interdiction de la fessée, c'est un prétexte pour interdire aux parents d'exercer sur leurs enfants leur autorité. S'il n'y a pas d'autorité sur les enfants ne sont pas protégés et ils seront la proie des prédateurs sexuels. La proie des prédateurs, ça me semble logique. Voilà. Ils seront donc la proie des pédocriminels et c'est maintenant, allez, debout, on se réveille et on interdit le sexe aux enfants. On n'a pas interdit le sexe à leurs parents, hein. Ça le fait pas, ça. On interdit le sexe aux enfants. Et on rentre surtout. Ça, c'est très, très important, parce que ça va avec. On remet la sexualité dans le cadre de l'intimité. La sexualité, maintenant, s'étale au grand jour. Le sexe, ça relève de l'intime. J'ai dit que ça relevait du sacré, ça relève également de l'intime. Or, dans cette entreprise de destruction de l'amour et de la famille et de l'enfance, c'est l'exhibition du sexe partout. Mais on pourrait arrêter ça en revenant simplement à des fondamentaux. Il y a des choses qui s'appellent l'attentat à la pudeur. Il y a des choses. Orwell appelle la décence commune. La common decency, la décence commune, exactement. Revenir à la décence, le sexe n'a pas à être exhibé, la décence, le droit à la pudeur. J'avais envie d'appeler ça le droit à la pudeur. Je regarde ça pour une prochaine salve. La pudeur, ça existe. Les enfants sont pudiques. Ramenons la pudeur sur la place publique. Et si les gens se mettent à réclamer ça, en plus de ça, ça n'ira pas chercher ce que les gens font de leur intimité et ce qu'ils font dans leur... C'est pas la police des braguettes, c'est l'inverse. Faites ça chez vous, faites ce que vous voulez chez vous, on ne veut pas le savoir. Mais sur la place publique, on va repromouvoir la pudeur et la décence. Et ça remettra beaucoup de choses en place, j'imagine. Mais alors Marion, contre tout ça, contre ce rouleau compresseur, bon, nous on fait cette émission, c'est très bien, mais qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Nos auditeurs qui nous écoutent, que peuvent-ils faire au quotidien pour contrer finalement cette machine qui nous broie? Et qui broie, y compris notre représentation de la sexualité. Donc, j'imagine plus de porno, plus de... Qu'est-ce que vous conseilleriez au quotidien? Moi, je suis pas trop là pour donner des conseils. Hein. J'ai pas, je suis ni une mère la pudeur et loin s'en faut, ni une donneuse de leçons. Je pense qu'il faut déjà aller chercher. Je pense que c'est le véritable travail, c'est la recherche de vérité. La recherche de vérité, c'est aller chercher ce qui se prépare, aller chercher ce qui se dit, aller chercher ce qui se fait. Par exemple, quand on vous dit voilà, il va y avoir l'éducation sexuelle à l'école parce que c'est un progrès. Bon, bah, il faut résister à ça. Il faut dire l'éducation sexuelle à l'école. D'où tirez-vous ça? Quels sont vos textes? Il faut que les gens se battent avec la recherche de la vérité. Et je pense que quand les parents sauront véritablement ce qui se prépare, ils seront certainement en mesure de se battre et de faire reculer. Bon, l'ABCD de l'égalité avait reculé. Bon, on les jette par la porte, ils rentrent par la fenêtre. Mais je pense qu'on a moyen de faire reculer ça. Je pense également à la prestation de serment de Donald Trump qui est à ma connaissance très violemment opposée à toutes ces saloperies-là. Donc je pense que dans son entourage, il va y avoir autre chose que ces pervers sexuels qui étaient là dans les précédentes administrations. Maintenant, le salut ne viendra pas d'Amérique. Le salut, il faut qu'il vienne de chez nous. Je pense qu'il faut aller chercher ce qui se prépare. Il faut que les parents se battent pour interdire le sexe à leurs enfants. L'enfance n'est pas la période, n'est pas le temps de la vie pour le sexe. Et lutter contre la pornographie, bah écoutez, il faut peut-être lutter pour que les garçons rencontrent les filles et que les filles rencontrent les garçons, non ? Il me semble, non ? C'est-à-dire, il faut retourner au bal, faut retourner à... C'est-à-dire, les hommes sont faits pour aimer les femmes qui sont faites pour aimer les hommes. C'est pas... Pourquoi vivre complètement séparés les uns des autres ? Et c'est vrai que dans la civilisation, c'est le couple qui forme la cellule. La cellule productive, la cellule qui donne du bonheur, qui donne de... Et pourquoi on ne reviendrait pas à ça ? Pourquoi on ne reviendrait pas à ces valeurs ? Qu'est-ce qu'on tire au papillonnage sexuel ? À part du cafard, de la solitude et de la tristesse, quoi. Qu'est-ce qu'on en tire ? Qu'est-ce qu'on en tire ? Allez demander... Moi, j'ai vu, depuis que j'ai commencé à avoir cette petite notoriété sur la toile, je rencontre beaucoup de jeunes. Et notamment, j'ai plusieurs fois des filles qui sont venues me voir en me disant leur mal-être. Et leur... Je sais ce qu'elles cherchent, les filles. Je sais ce qu'elles cherchent. Elles cherchent l'amour. Et on leur demande d'être bonnes et de coucher comme ci, de coucher comme ça. C'est pas ça qu'elles demandent. C'est pas ça qu'elles demandent, c'est pas ça qu'elles veulent. Et mon petit doigt me dit que c'est peut-être la même chose chez les garçons aussi. Que ce qu'ils voudraient, c'est avoir une relation stable avec une fille bien. Bon, ben, si on leur dit qu'il faut d'abord coucher devant, derrière et sur les côtés avec tout ce qui passe, c'est pas comme ça qu'on trouve. C'est pas comme ça qu'ils trouveront. Donc, il faut peut-être essayer de revenir à des fondamentaux. Le sexe, c'est pas mal. Le sexe, c'est pas mal. Le sexe, c'est sacré. C'est sacré. C'est pas mal. Mais justement, il ne faut pas le galvauder. Marion Sigaud, Les droits sexuels ou la destruction programmée de l'enfance et de la famille, aux éditions Sigest, et Judith Reisman, Kinsey, la face obscure de la révolution sexuelle, disponible sur le site contreculture.com. Marion Sigaud, vous préparez un nouveau livre pour... Non, j'ai déjà préparé un livre qui va bientôt sortir. Voilà, c'est sur la Régence. Sur la Régence. Donc le manuel numéro 4 et le manuel numéro 5, puisqu'on m'avait demandé de faire un petit manuel de 125 pages et que j'en ai fait un plus gros, donc on est obligé de le couper en deux. Donc j'ai deux manuels qui vont bientôt sortir, coup sur coup. Puis après, j'ai encore beaucoup d'autres projets. Moi, tant que Dieu me prête vie, je continue de faire de l'histoire, parce que je pense que c'est ce que j'arrive à faire. Faire de l'histoire et écrire, je pense que c'est ce que je réussis à peu près à faire. Et des conférences. Et les conférences, oui, mais ça, ça suit. Les conférences, c'est la conséquence de la recherche et de l'écriture. Voilà. Eh bien, Marion Sigaud, on va suivre tous vos travaux sur le site d'Égalité et Réconciliation. Merci. Merci beaucoup d'être passé nous voir. Vous reviendrez, bien sûr, à la prochaine sortie de votre livre. Oui. Manuel d'histoire de Marion Sigaud. Et Xavier, je te dis aussi à toi aussi à la semaine prochaine. On se retrouvera pour une nouvelle émission. À la semaine prochaine. Chers auditeurs, cette émission est maintenant terminée. Merci de l'avoir suivie, merci de votre soutien. N'hésitez pas à la partager sur les réseaux sociaux. Je remercie également nos camarades qui nous ont aidés à élaborer cette émission. Viken, Sarah, Étienne. Chers auditeurs, nous allons conclure cette émission en musique. Sur les notes de Fireball FC, leur album French Melancholy est disponible sur le site contreculture.com. Nous allons écouter I Was Blind. Chers auditeurs, bonne écoute à tous et à la semaine prochaine.